إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما أخير ما أخذنا؟ أخذنا بابين. ما هما؟ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. والباب الذي بعده، لوتخ باب كنا فيه، يتعلق بالاستهزاء بالدين. نعم. ما حكم من أزل بشيء من الدين؟ كافر. Qui a pris en dérision une chose de la religion, c'est un kafir. Il est alima na hada min ad-din. طيب الان سندخل في بابين جديدين ان شاء الله. قال المؤلف: باب ما جاء في قول الله تعالى لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. Dans le sens où Allah dit que si jamais nous leur accordons une miséricorde de notre part, après un mal qui les est touché, après qu'un mal les est touché, ils diront: certes, cela nous revient. Donc ça, ce bab-là, il revient et rejoint un bab qu'on a pris il n'y a pas longtemps, qui est dans le fait d'attribuer la ni'ma à autre que Allah. Sauf que l'autre bab, c'était khas, le fait d'attribuer la ni'ma à autre que Allah, les autres à autrui. Et celui-là, et akhas, c'est plus que la personne attribue cette ni'ma à lui-même, en fait. Mais les deux se joignent, à la base. Wa qala al-shaykh ibn Baz, rahmallahu ta'ala, هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما عرب على النفوس من إنكارها النعم وجهودها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى. Donc le mu'allif, il a cité ce chapitre ici là pour montrer ce qui souvent prend le dessus sur la personne qu'il s'imagine en reniant les bienfaits, en étant ingrat envers ses bienfaits, en ne reconnaissant pas ses bienfaits, ni en les attribuant à celui qui les a accordés. Et Annie, lui, il voit que ce qui lui arrive, il le mérite. Tout ce qu'il a, il le mérite. C'est un droit qui lui revient. Donc ça revient à quoi ? Être ali à Allah. Ça veut dire, c'est comme si il disait à Allah, ce qu'Allah m'a donné, je le mérite. Il doit me le donner. Ça me revient. On a expliqué, je ne sais pas si tu te rappelles, au début du livre, que « Hakkul ibadi à Allah ma'ahu » et que celui qui n'associe rien à Allah, qu'est-ce qu'il aura? On avait dit que ce droit, en réalité, c'est pas un droit, la créature n'a pas droit sur Allah, mais c'est du fait que c'est un tafadoul et que Allah lui-même s'impose cela à lui-même. Lui, il ne nous doit rien. Allah ne doit rien à sa créature, sûrement pas. Donc là, ça vient à dire ça, que Allah me doit cela. Est-ce que Allah m'a donné ce qu'il devait me le donner? قال في الآية أن الكول الكول طبيعة من طبيعة ابن آدم إلى من عصمه الله من إنكارهم للنعم ونسبتها لنفسه أو لنفسه وعدم الاعتراف بها لخالقها عز وجل. فمن شأنه الكفر بالنعم وأن يقول هذا عملي وهذا Donc là, cette parole-là nous démontre que c'est parmi la nature du fils de Adam, hormis celui que Allah aurait épargné, c'est qu'il renie les bienfaits, il est ingrat. Il se les attribue à lui-même. Il ne le reconnaît pas comme venant de son créateur. Et souvent, il dira: cela est grâce à moi, cela est par mon travail, cela est par ma cause, en lui-même. Donc là, c'est quoi le maqsoud de ce bab? D'inciter au shukr. Et cette ni'ma que tu l'attribues à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui la donne. Et ce shukr, kef yakun el shukr? El shukr, le remerciement, comment il a lieu? Comment il se fait? Ça c'est choukr, ça c'est pour la créature, mais pour Allah. Comment il se choukr envers Allah subhanahu wa ta'ala? Tu connais pas choukr? Bil qalb, tartadif bin ni'ama, wa bil lisan, tantuk biha, tu le dis clairement, wa bil amal, bi jawarih. Tu œuvres en montrant que tu es reconnaissant, c'est-à-dire que tu te soumets à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé de faire. Dans ton cœur, tu reconnais que c'est là que t'as accordé. Dans ta bouche, tu fais son éloge et tu le reconnais. Dans tes actes, ça se voit, c'est apparent, car tu lui obéis. Naam. Amal dua, ce que tu as cité, ça c'est pour la créature. Tu as dua pour la créature qui t'aura aidé en la remerciant. Amal shukr, lillah, aza yakun. Naam. Et le fait qu'il y ait des asbeb, personne ne le nie, ta main. Mais ces asbeb, tu les fais venir après. En premier lieu, tu remets cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les asbeb, tu le cites après. Allah t'a accordé de pouvoir construire une maison, tout ce qui s'ensuit, les moyens et tout. Et toi, après, tu as construit cette maison de tes mains, mathalan, tu t'es fatigué. Tu vas dire, c'est Allah qui me l'a accordé. Mais rien ne n'empêche de dire que cette maison, c'est toi qui l'as construite de tes mains, tu t'es fatigué dedans. Mais tu reconnais que cette maison-là, c'est Allah qui te l'a accordé. Donc, Allah Azza wa Jal, قال إنما أتيت على علم عندي. وقال قتادة على علم مبني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى كل مجاهد وأتيت على الشرف. L'alifi cite le verset d'Allah lorsqu'il parle de Karun, il dit: je l'ai juste reçu par une science que j'ai, un savoir que j'ai. C'est-à-dire cet argent-là que Karun il avait, il a dit que cet argent-là le méritait, c'était à lui. Par rapport à, son, à sa connaissance. Et Qatada, il a dit une science qui est construite sur, qui est bâtie sur le travail. Et d'autres ont dit une science, al-ilm ay min Allah anni lahu ahl. Une science que Allah sait que je mérite cela. Allah, il sait que je mérite cela, ça me revient. Et d'autres, ils ont dit, dans le sens comme Mujahid, et je l'ai reçu pour mon rang, pour ma noblesse. Je mérite cela. Thumma zakara hadithan tawilan an Abi Huraira. On va le traduire au fur et à mesure, car il est un peu long. Paragraphe par paragraphe. An Abi Huraira, radiallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakulu, inna thalathatan min bani Israel, abras wa akra wa a'ma. Fa'aradallahu yabtaliyahum. Donc trois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y avait trois parmi les bani Israël. Un qui était abros, c'est une maladie de la peau. Une maladie de la peau qui, elle, est quasiment incurable. Comme avoir des taches. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, des gens qui ont... La couleur de la peau, elle n'est pas uniforme. Des fois, ils ont des parties blanches, des parties foncées. Ah oui, je vois. Non. Et un corps, c'est une maladie des cheveux, il n'a pas de cheveux. Et Arma, c'est aveugle. Allah a voulu les éprouver. Donc il a envoyé un ange pour les éprouver. Fa'atal Abras, fa'kala, ay, shay, ahab, ilayk. Kala, lounun hasan, wajilun hasanun. Wayadhabu ani, allazi kod kazaran nas, bihi. Kala, famasahu, fazahaba anhu, kazaruhu. Wa u'tiya lounan hasanan, wajilun hasana. قال فأي المال أحب إليك فقال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرة فقال بارك الله لك فيها فقال طيب. Donc après il s'est rendu auprès justement de ce Abras et lui a dit, c'est-à-dire cet ange lui a dit, quelle chose est la plus aimée auprès de toi que tu voudrais avoir. Il a dit une belle couleur, une belle peau, et que s'en aille de moi cette chose par laquelle les gens me critiquent. Donc l'ange le toucha et ce mal s'en alla. Et il reçut une belle peau, une belle couleur. Après cet ange lui dit, quels sont les biens les plus aimés auprès de toi? Il dit, les chameaux ou bien la vache. L'un des rapporteurs a douté, il s'appelle Ishaq. Donc il lui fut donné une chamelle pleine. Et l'ange fit un doa, que Allah y mette la baraka pour toi. فأتى الأكرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد كذر لي الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك فقال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة فقال بارك الله لك. Donc après il s'est rendu auprès du Aqra. Il lui a dit, quelle est la chose qui t'est préférée, le plus aimé auprès de toi? Il a dit, des beaux cheveux, avoir des beaux cheveux. Il lui a dit, et quel argent, Tayeb, et que s'en aille de moi, ces choses par lesquelles les gens m'ont critiqué. C'est quoi, il parle sur moi, quoi. Donc l'ange le toucha, et ce mal s'en alla de lui. Et il reçut une belle chevelure. Après, il lui dit, quels biens sont les plus aimés auprès de toi? Et il dit, la vache, le bovin, on va dire. Ou la chamelle, le chameau, s'associe à un doute du rapporteur. Alors il reçut une vache pleine. Et l'ange fit faire doigt de baraka pour lui. Après, قال فأتل أعمى فقال أي شيء أحب إليك فقال أن يرد الله لي إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدة ف تاج وهادا وولد هذا فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Donc il s'est rendu auprès de l'aveugle et il lui dit, quelle chose serait la plus aimée auprès de toi? Il lui a dit, que Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. Alors il le toucha et Allah lui rendit la vue. Et tu constateras que dans ce hadith, le seul des trois qui a dit que Allah me donne, c'est lui. Les autres n'ont pas dit que Allah me donne. Après, l'ange lui dit, quelle est la chose, les biens les plus aimés auprès de toi? Il dit, les ovins, c'est-à-dire les moutons et les chèvres. Donc il reçut une brebis pleine. Et l'ange lui dit, qu'Allah y mette la baraka pour toi. Donc, il dit, que chacun des gens qu'il est parti voir, leurs animaux, les femelles qu'ils ont reçues ont mis bas. Et par la suite, ils ont reçu des vallées entières de cela. Celui qui avait des ibils, s'en est fini. Après, il a eu des vallées entières pleines de ibils, pleines de chameaux. L'autre, des contrées entières de vaches. Et l'autre, de moutons et de chèvres. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال يا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في السفر فلا بلاغ إلا لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن المال والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص فيذكرك الناس فقيرا فأعطك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله لما كنت. Donc il s'est rendu auprès justement du Abras. C'est-à-dire l'apparence de ce Abras qu'il avait avant. Vous voyez, comme il était lui avant, auparavant, l'ange est venu sous son apparence. Il lui dit, je suis un homme pauvre qui a perdu son chemin et je n'ai de moyen de pouvoir me retrouver si ce n'est par Allah puis par toi. Donc je te demande, par celui qui t'a donné une belle couleur, une belle peau et des biens, voyez, une monture, c'est-à-dire un chameau, par lequel je puisse poursuivre mon chemin, mon voyage. Et l'autre lui répondit, il y a beaucoup de droits, c'est-à-dire cet argent que tu vois là, il y a des droits des gens dedans, ce n'est pas que à moi, dans le sens. Après l'ange lui dit, j'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas Abras et les gens te critiquaient et tu étais pauvre et que Allah ensuite t'a donné de l'argent? Après l'autre lui a répondu, le Abras, l'ancien Abras, lui dit, cet argent-là, je l'ai hérité. Voyez, de mes ancêtres. Ou alors une version, c'est un argent que j'ai hérité car je suis issu d'une famille noble et riche. Donc l'ange lui a dit, si jamais tu mens dans ce que tu dis, alors que Allah te renvoie à ce que tu étais auparavant. Voyez, qu'il te remette ce que tu étais auparavant. Ensuite, قال فأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لي هذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله لما كنت. Donc il s'est rendu après auprès du Akra, qui avait une maladie des cheveux. Il lui a dit la même chose, la même demande. Il est venu sous son apparence pareille. Et l'autre, de Bani Israël, lui a répondu la même réponse que le premier. Cet argent-là, qu'il a hérité, qu'il y a des droits dedans, et qu'il n'a pas voulu le donner. L'autre, il lui a dit, l'ange lui a dit, si jamais tu mens ce que tu dis, qu'Allah te renvoie à ce que tu étais auparavant. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطع بي الحبال في سفري فلا بلا لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبرأ بها في سفري فقال كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته وأخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجا أي متفق عليه. Donc après il s'est rendu auprès de l'aveugle et lui dit, auprès de l'aveugle, c'est son apparence qu'il avait avant, il lui dit, je suis un homme pauvre, un voyageur qui s'est perdu en chemin et qui n'a de moyen de pouvoir atteindre son but. Et je n'ai de moyen d'y arriver, aujourd'hui ce n'est par Allah, ensuite par ta cause. Je te demande, par celui qui t'a rendu la vue, une brebis par laquelle je puisse poursuivre mon chemin. C'est-à-dire seulement pour manger et pour boire, pour avoir du lait. L'autre lui a répondu, j'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Donc prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Car je jure par Allah que je ne vais rien te refuser aujourd'hui de ce que tu auras pris pour Allah dans mes biens. L'ange lui a dit, garde tes biens. Juste, vous avez été éprouvé et que Allah a été satisfait de toi. Cependant, il est en colère contre tes deux compagnons. Akhraja, mutafaqun alayh. Donc là, c'est un hadith azim qui a beaucoup de. qui apporte beaucoup d'enseignements de sagesse pour nous. Des histoires qui sont arrivées au Bani Israël pour qu'on en prenne des ibara, expérience pour nous. Car ce jugement qui est valable pour eux là aujourd'hui et valable pour nous également aujourd'hui dans le fait de remercier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, à comprendre, il y a plein de sciences à prendre de ce hadith, mais on s'arrête au shahid que Allah t'accorde des bienfaits. Et même souvent après que tu les as demandés toi. Une fois que tu les as reçus, Allah va t'éprouver. Comme quand l'Azza wa Jal, وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Qui est celui qui vous a mis comme étant les successeurs sur terre et a élevé certains d'entre vous par rapport à d'autres pour voir comment vous allez vous comporter. Allah va voir comment tu te comportes une fois qu'il t'a accordé ce genre de choses. Il t'a accordé le pouvoir, tu es devenu gouverneur. Il t'a apporté la science, tu es devenu un savant. Il t'a apporté l'argent, tu es devenu un homme riche qui dépense. Il t'a donné la famille, tu es un père de famille pour voir comment tu te comportes. Toutes ces choses-là qu'à la base tout le monde souhaite avoir. Pour voir comment tu le remercies par rapport à ça. Et celui qui le remercie, Allah lui ajoute et lui met de la baraka. Et celui qui ne remercie pas, n'est pas de baraka. Et même si à tes yeux tu vois que cet homme-là est riche et continue, on a expliqué c'était quoi à la base, istidraj min Allah. Que Allah en fait l'éprouve par échelon pour l'amener à un châtiment. Donc il faut faire attention. Et là, cette histoire confirme bien la parole d'Allah où il dit وَقَلِلُونَ مِنْ عِبَادِيَا أَشَكُورُ. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc, nous devons toujours, toujours reconnaître les bienfaits d'Allah sur nous, les remercier dans notre cœur en le prononçant. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, alors cite-les, reconnais-les. Toi-même. Et surtout, agir en conséquence, c'est-à-dire le remercier en obéissant autant que possible. Car tu as des gens. Ils reconnaissent, ils disent c'est Allah qui m'a donné, mais yastamirun ala al-ma'asi, al-mukhalafat. Il ne lâche pas les péchés, tout ce genre de choses. Lui n'a pas été remercié, il n'a pas été reconnaissant. Même s'il le dit par sa langue, ses actes démontrent qu'il n'est pas reconnaissant. Tayyib, nakhouz al-masa'il. Fihi masa'il. Al-ula tafsir al-aya. Il y a l'explication du verset. Al-thaniya ma ma'na la yakulunna hadhali. Que sert cela me revient. Thalitha, ma ma'na koulihi, outituhu ala ilmin indi. Le sens de cela, je le reçois par un savoir que j'ai. Rabi'a, ma fi yadi l'kissa al-ajiba min al-ibar al-azima. Ce que cette histoire surprenante contient comme enseignement immense pour nous. Naam. Donc lorsqu'on a voulu une chose que Allah nous l'a accordée, il nous éprouve pour savoir si on est reconnaissant. Tu as voulu te marier, Allah t'a accordé une femme. Il va voir comment tu te comportes avec elle, si tu étais reconnaissant. Tu as voulu des enfants, Allah te les a accordés. Il va voir comment tu te comportes avec eux, pour si tu étais reconnaissant. Kazalik, même dans la ibada, tu as voulu, je ne sais pas moi, la hijra, mathalan, Allah te l'a accordé. Il va voir comment tu te comportes par la suite si tu es reconnaissant dans cette hijra. Mathalan. Car combien on dit je la veux, ils l'ont eu et au final ils l'ont laissé. Ou combien on dit je veux telle chose, bismiddin, c'est-à-dire une chose qui dit je fais cela pour Allah, je le veux pour Allah, une fois qu'on leur a donné. Ils ont dit je veux la science pour faire la da'wa, pour enseigner aux gens, une fois que l'on a accordé, les gens ils ont dévié, n'ont pas été reconnaissants. Kullu hadha min hadha. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. Donc à propos de la parole d'Allah dans le sens où il dit, et lorsque il leur a accordé صالحا, c'est-à-dire un enfant, ils lui ont attribué des associés dans ce qu'il leur a accordé, c'est-à-dire cet enfant-là. قال الشيخ ابن الباز رحمه الله تعالى أراد المؤلف بيان تحريم التعبيد لغير الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله أن يعبد أحد لغير الله لا أن يعبد أيوة لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله فلا يقال عبد النبي أو الكعبة أو عبد الحسين وما أشبه ذلك بل يكون التعبيد لله وحده كعبد الرحمن وعبد الله إلى آخره لأن الله ذم من فعل ذلك بقوله فلما أتاهما صالحا وهذا ذم وغيب لمن فعله. Donc il dit le shir que l'auteur a voulu par là démontrer qu'il est haram d'attribuer la servitude qu'à autre qu'Allah, qui n'est permis à personne d'être asservi à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et là il parle de quoi? Dans le fait de nommer, le fait de dire Abdul Nabi, Abdu, serviteur d'eux. Là il parle de l'appellation Abdul Nabi, c'est-à-dire le serviteur du prophète, ou Abdul Kaaba, serviteur de la Kaaba, ou Abdul Hussein, serviteur del Hussein, tout ce qui ressemble. Que le ta'bid, le fait de dire Abd après attribuer Allah, ce ta'bid n'est que pour Allah seul, comme le fait de dire Abdul Rahman ou Abdullah. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui ont fait cela lorsqu'il l'a dit dans le sens, et lorsqu'il leur a accordé un enfant, ils ont associé Allah en faisant quoi? En le nommant par un autre nom, yani un ta'bid qui ne revenait pas à Allah, comme cela va être expliqué par la suite. Mais l'histoire n'est pas authentique, elle est même munkara. قال ابن حزم يعني المؤلف قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر أو عبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. ابن حزم il a dit qu'il y a huit jma' qu'il est interdit de faire un ta'bid autre que Allah, comme dire عبد عمر ou عبد الكعبة et tout ce qui ressemble, exception faite pour عبد المطلب, que ce nom n'a pas été changé. Et à la base, Abdul Muttalib, on a expliqué dans Sul Salafa et même dans, je crois, Tartari l'Artikod, qu'à la base, c'est un surnom. Ce n'est pas son prénom. Son prénom, c'est Shayba. Et lorsqu'il est venu avec El Muttalib d'El Medina, en chemin, il a noirci au soleil. Lorsque les gens l'ont vu, ils ont cru que c'était un esclave. Et donc, il l'a appelé Abdul Muttalib. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est attribué à lui en disant أنا نبي لكذب أنا ابن عبد المطلب. Il a affirmé la chose qu'il est le fils de Ibn Muttalib. عبد المطلب عفوا. كي تي سو غران بير. وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: لما تعاشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعني أو لجعلن له قرني أيلي فيخرج من بطنك وفيشق ولا أفلن ولا أفلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قال الله تعالى فجعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم. ولو سند صحيح عن قتادة قال الشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو سند صحيح عن مجاهد في قول الله في قوله لئن أتيتنا الصالح قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. Donc selon Ibn Abbas dans le tafsir de ce verset, il dit qu'en fait lorsque Adam alayhi salam s'est accouplé avec Hawa, Iblis est venu les voir et lui a dit: je suis celui qui vous a sorti du Jannah. Tamam. Donc vous avez intérêt à m'obéir ou alors je vais mettre cet enfant en deux cornes de cerf et lorsqu'il sortira de ton ventre, il va te le déchirer en faisant peur à Hawa. Et je vais faire telle chose et je vais faire telle chose. Donc il a voulu leur faire peur. Appelez-le Abdul Harith. C'est-à-dire le but de ces menaces, c'est que l'enfant soit appelé Abdul Harith, car Abdul Harith a été dit qu'il est parmi les noms de Iblis. Donc ils ont refusé de lui obéir. Donc l'enfant est sorti mort. Ensuite, Hawa est redevenue enceinte. Iblis est revenu. Il a proféré les mêmes menaces. Et ils ont refusé de lui obéir. L'enfant est sorti mort. Troisième fois, Hawa est retombée enceinte. Iblis est revenu. Et il a ressenti la même chose. Et là, ils ont été atteints par l'amour de l'enfant. Donc, ils l'ont appelé Abdul Harith. Quand même, là, ils ont été pris de pitié que l'enfant ne sorte pas mort. Et ils ont capitulé en appelant cet enfant Abdul Harith. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il dit, et ils lui ont attribué un associé lorsqu'il aura accordé. Et le hadith, ou plutôt le athar, a été rapporté par Ibn Abi Hatim. Et cette histoire, elle est fausse. Cheikh Al-Bani déjà l'a affaibli. Plein l'ont affaibli. Même Cheikh Mokbil l'a dit, Munkara. Elle est rejetée. Sanadan wa matnan. L'isnad, lui, ne tient pas debout. Et l'histoire en elle-même s'oppose à trop de usul et à trop de faits, comme cela va être cité. Et que, avec un isnad sahih, à Qatada, qu'il est dit, qu'ils lui ont attribué des shuraka, c'est-à-dire dans l'obéissance, qu'ils ont obéi à autre que Allah. C'est une chose que Allah a rendue interdite. Et non pas dans son adoration. C'est-à-dire, ils n'ont pas adoré celui par qui ils ont nommé, mais ils lui ont obéi en désobéissant à Allah. Et dans un autre sanad sahih, selon Mujahid, qu'il a dit, si tu nous accordes, dans le sens de la part d'Allah, lorsqu'ils ont dit, si tu nous accordes un enfant, c'est-à-dire après qu'ils ont craint, c'est ce qui apparaît, qu'il ne soit pas un homme. Et ce sens-là a été cité par Al-Hassan et par Saïd et autres que eux. Donc là, cette histoire, elle a été rejetée. Bien que Cheikh Ibn Baz n'a pas l'air de la rejeter dans son kalam. Il a l'air de... Il la confirme, Allah alam. Cette histoire, elle est munkara. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il dit que ce qui a été cité d'Al-Hassan en réalité, ce n'est pas le qaul qui est cité là. Mais en fait, yani, que le fait est vrai, mais ça ne revient pas à Adam et la Ahawa. L'histoire ne remonte pas à eux deux. Et c'est le call que Ibn Kathir a choisi également dans son tafsir, et Cheikh Othaymine est également celui qu'il voit. Après, il cite les choses qui font que cette histoire elle est rejetée. Il dit qu'elle est bâtila min wujuh, de différents points. Donc, premièrement, que cette histoire n'a aucun. Il n'y a rien qui remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'affirmant. Vous voyez ? Donc, ces faits-là viennent des Israéliates. Les histoires, c'était par des Bani Israël que l'on peut trouver dans leurs livres. Et ça ne remonte pas d'un hadith authentique. Car cela est lié au wahi. Les histoires dans le passé sont liées au wahi. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a raconté, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas, ça ne vient pas de lui. Comme on l'a dit, les Bani Israël, leurs histoires, ni on ne les dément, ni on ne les confirme, sauf si on voit qu'elles s'opposent à un texte clair, on les rejette. Comme c'est le cas ici, comme le chiffre a cité. Déjà, ça veut dire quoi ? Et Ibn Hazm également, il a dit que c'est cette qissa, cette histoire, c'est un rapport, yani, inventé et mensonger et tiré de légende. Quand même, de légende. Deuxième, cela ne peut être possible, car cela viendrait à dire à quoi ? Que Adam, alayhi salam, aurait fait du shirk asghar. Il y a ijma' des ulama que les anbiya sont épargnés et sont infaillibles face au shirk akbar et asghar. Ils peuvent faire des ma'asi, c'est possible, mais ils se corrigent aussitôt. Ah, mais le shirk, c'est pas possible. Et que si jamais ça avait été le cas, ça veut dire qu'il serait mort sur le shirk. Chose qui est impossible. Et si jamais il avait fait du shirk, il aurait été impossible qu'il meure sur le shirk. Il aurait été, de ce qu'on connaît, de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans son livre, il aurait forcément évoqué leur tauba. S'il avait fait tauba. Il n'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala cite une erreur d'un nabi sans qu'il par la suite ne cite la tauba de son habit par rapport à cette erreur-là. D'ailleurs, ici dans l'histoire justement de hadith de Abi Saïd, lorsque les gens vont venir voir les Anbiya ou Abu Huraira plutôt, fi yani yom al-qiyama, pour demander une shafa'a, pour avoir un tarfif de ce qu'ils enduraient, ils vont voir chaque nabi et chaque nabi cite son erreur. Et Adam cite le fait qu'il ait approché l'arbre. Il ne cite pas cette histoire-là. Que j'ai nommé mon fils Abdul Harith. Donc, si la mélite avait été le cas, il aurait cité. Car ça, ça aurait été une chose plus grande que le fait d'avoir approché l'arbre. Et si au pire, on dit que ça avait été fait, il aurait fait Tawbah et Allah subhanahu wa ta'ala aurait cité la Tawbah. Et ça, en fait, c'est deux points ensemble. Là. Deuxième et troisième. C'est-à-dire, troisième, que les NBA sont ma'asoumoun du shirk. Également, parmi les points qui rejettent cette histoire, lorsqu'il dit, Iblis, qu'il va donner à cet enfant des cornes de cerf. Iblis, il ne peut pas faire ça. C'est une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, qui touche à Rububiya. Iblis n'a pas la contrainte de faire cela. Et Adam, il le sait, que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire ce genre de choses. Quand même. Donc ça, c'est rejeté. Et autre chose, Iblis, s'il venait pour les duper, il ne viendrait pas en disant c'est moi qui vous ai sorti du Jannah. Il serait venu avec un usloub de conseiller qui ne sache pas qui il est, afin qu'il puisse écouter ce qu'il a à dire. Pas en venant en le menaçant. Ils viennent, si jamais ils viennent en les menaçant, ils ne vont pas obéir. Ça, c'est sûr et certain. La preuve, dans l'histoire, ils disent qu'au début, ils n'ont pas obéi. Comme dans l'histoire dans le Jannah, lorsqu'il les a fait sortir du Jannah, il les a appelés à prendre de l'arbre interdit. Est-ce qu'il les a menacés ? Il avait un usloub de conseiller. Ah ouais, de conseiller, et kaza et kaza. Il aurait fait pareil, là. Donc là, sur tous ces points, l'histoire, elle est rejetée. Quoi qu'il en soit, le hukm, il reste effectif. Qu'il n'est pas permis de faire un ta'abid, l'irélillah, de donner le nom de abd sans être attribué à Allah ou à un de ses noms. Ce n'est pas permis. Parmi le shirk que les gens peuvent faire, comme Cheikh Othaymine par rapport à ce verset, par exemple, que les gens, l'enfant qu'Allah leur accorde, il attribue la grâce ou la ni'ma au wali. C'est parti voir un wali, ils ont fait dua, ils ont fait du shirk. Après, la femme a tombé enceinte, elle dit c'est grâce au wali Fulen qu'on a un enfant. Également, qu'est-ce qu'il y a? Il cite que cela, ils peuvent l'attribuer à l'habilité des médecins. Ils disent, si cet enfant il a survécu, c'est grâce aux médecins. Ils ont bien fait leur travail. Donc ça, ça rentre dans le verset. Ils ont voulu avoir un enfant. Ils ont demandé à Allah. Par exemple, une femme a tout le temps des fausses couches ou quoi. Une fois de plus, elle a une fausse couche. Après, une fois après, elle a eu un enfant. Et une fois que l'enfant a survécu et il sort indemne, ils vont dire, ça, c'est grâce aux médecins. Les autres médecins, c'était mauvais. Lui, c'était un bon médecin. Il a bien fait son travail. L'enfant est sorti sain et sauf. Ou alors en disant que c'est parce que la femme, par exemple, l'enfant est sorti sain et sauf, parce que la femme, elle a une bonne santé, kaza et kaza et kaza. Et également, mais les choses qui font que les gens tombent dans le shirk par rapport à l'enfant, c'est que par la suite, une fois qu'Allah leur accorde l'enfant, ils donnent un amour à cet enfant au-dessus de l'amour d'Allah de son messager. Ils l'aiment trop. Donc ils tombent dans le shirk, dans un amour muharram, shirki, qui font qu'ils se permettent de faire des choses qu'Allah interdit et voit comme étant, cela comme étant jaiz, comme on l'a appris auparavant. Donc là, ce sont deux formes de shirk que les parents peuvent avoir avec leurs enfants. Dans les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Naam. On va prendre les masa'il. Qala. Al-oula. Tahrim kullu ismin mu'abbad li ghayrillah. Qu'il est interdit d'avoir un nom de ta'bid pour autre que Allah. Al-thaniya. Tafsir al-aya. Le tafsir du verset cité. Al-thalitha. Anna hadha shirk fi mujarrad tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha. Que ce shirk est juste dans l'appellation et non pas dans ce qui en découle, c'est-à-dire le fait qu'ils ont adoré Iblis dans la version citée. Mais cette version-là, du Asad ibn Abbas, il s'habita. Arabiha, anna hibat Allah et le rajoul, el bint, as-sawiyya min al-ni'am. Que là, le fait que Allah accorde à un homme une fille en bonne santé, cela est parmi les bienfaits. Là, Cheikh Al-Famil l'a expliqué, mais j'ai pas compris où est-ce que l'auteur a voulu en venir. Al-Khamisa, ذكر السلف الفرق بين الشرك في التوعة والشرك في عبادة. Que les salafs ont fait une différence, comme le kalam de Mujahid, qu'il y a une différence dans le shirk, dans l'obéissance, dans le shirk, dans l'adoration. Naam. Rabbi Yadakun Al-Tafi, Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.